la fin du GameStop. Fini la récréation. Et ouais garçon, flux passe à l'action. Que ce soit sur le terrain ou au studio, Renoir au rap, ça si je me clashais, tu sais là où me trouver. Et t'inquiète pas que je vais t'en montrer. Frelot, mes punchlines, je les soigne. Les impulsifs, on joue toujours la gagne. Les rageux, je sais qu'il y en a, mais on les voit pas. Tellement visible que je suis leur cible. Je casse les couilles, y'a personne, leur personne me casse les couilles. Je suis là pour mettre un terme à tous ceux qui me cassent les couilles. Donc ça explique pour eux que c'est la fin du game. Boy, tu te la pètes, mais tu oublies que tu kiffes la sucette. Négro, y'a des gens qui m'aiment et qui me détestent. Mais je vais dire un truc, les impulsifs, y'a pas nous test. Car pour toi, ça sera la fin du game. Et tu sais ce que j'aime, c'est de mettre un terme à la fin de ton game. Biatch. Les impulsifs, tu es un gage. Mais gros, ça pue la street. Les impulsifs, n'aie pas la haine. La relève est trop lessive. Les impulsifs, tu es un gage. Mais gros, ça pue la street. Les impulsifs, n'aie pas la haine. La relève est trop lessive. J'rappe la qualité dans la quantité. J'rappe la thèse parce que ça me permet de m'évader. Tiens-moi le micro parce que je rapperai que des punchlines. Je rappe parce que le calme se mange des watts par la haine. Nego watt, je rappe quand l'espoir d'avancer me fait de la peine. Crois pas, je rappe pour cette pédale de daddy. Une bastose dans sa grand-mère, on te l'a déjà dit. Tu sais pourquoi je rappe? Pour la monnaie, monnaie. On veut la liberté en même temps que la monnaie. On money, on aime ça. Je rappe surtout pas pour les froussards. On aime bien quand l'argent ça les pensit. Tu vois ça, je rappe pour les gars qui purgent des grosse peine au placard. C'est sûr comme apprendre la mort d'un proche en plein parloir. J'rappe avec ma relève, les impulsifs et t'as la haine. Frelo ton flow, il est tout naze. Tu fais de la peine, tu fais de la peine. T'as la rue ma gueule. Les impulsifs, tu es un gage. Mais gros, ça pue la street. Les impulsifs, n'aie pas la haine. La relève est trop lessive. Les impulsifs, tu es un gage. Mais gros, ça pue la street. Les impulsifs, n'aie pas la haine. La relève est trop nocive. Oh oh, quoi de neuf, Lux? Bien ou quoi? Bien, tranquille, tranquille. Si, on va leur faire du rap tard la rue. Tard la rue, ouais. Hey, c'est quoi ton groupe déjà? Les impulsifs, ma gueule. C'est du sale, négro. Ils connaissent pas. 2009, avec la relève, après nous y'a personne. La boîte si, tu as un gage, après y'a personne. Ah ah. Pépito, flux. Sonne pas terre, négro. T'as ma gueule. Agent M ma gueule. G-G-M-A-S. Plateau roué. Pizzo NSO. Jusqu'à son pater maternité. ZAC la roseraie. Robinson Père. G.